Un bal d'ambassade, où il n'est question ni de bal ni d'ambassade. 1. Je ne te dis pas que ce ne soit pas joli, ajouta ma tante, en effleurant le chenet du bout de sa petite botte. Cela donne au regard un charme particulier, je l'avoue. Un nuage de poudre s'y est à ravir, un doigt de rouge fait admirablement, et jusqu'à cette demi-teinte bleuâtre qu'elle s'étale je ne sais comment sous l'œil. Dieu qu'il y a des femmes coquettes! As-tu vu jeudi chez madame de Siorac les yeux d'Anna? Est-il permis, franchement? Comprends-tu qu'on ose? Eh, ma tante, je ne détestais pas ces yeux-là, et entre nous, ils avaient un velouté. Je ne te conteste pas cela, ils avaient du velouté. Et en même temps, un éclat si étrange, sous cette pénombre, une expression de si délicieuse langueur. Oui, assurément, mais enfin, c'est s'afficher. Sans cela, c'est quelquefois très joli. Je rencontrais au bois des créatures adorables, sous leur rouge, leur noir et leur bleu, car elles se mettent aussi du bleu, Dieu me pardonne. Oui, ma tante, du bleu polonais, ça s'estompe, c'est pour les veines. Avec intérêt. Elles imitent les veines? C'est une infamie, ma parole d'honneur. Mais tu m'as l'air d'être bien au courant. Oh, j'ai joué si souvent la comédie dans le monde. J'ai même chez moi toute une collection de petits pots, de pattes de lièvre, d'estompes, de pointes, etc., etc. Oh, tu as tout cela, mauvais sujet! Dis-moi, vas-tu au bal de l'ambassade demain? Oui, chère petite tante. Et vous, vous costumerez-vous? Il faut bien, pour faire comme tout le monde. On dit au reste que ce sera splendide. Après un silence. Je me poudre. Crois-tu que cela m'ira bien? Mieux qu'à qui que ce soit, chère tante. Vous serez adorable, j'en suis certain. Nous verrons cela, petit courtisan. Elle se leva, me tendit sa main à baiser avec un air d'aisance exquise et fit mine de s'éloigner, puis se ravisant. Au fait, Ernest, puisque tu vas à l'ambassade demain, viens me prendre. Je t'offre une place dans ma voiture. Tu me diras ton goût sur mon costume. Et puis, elle éclata de rire et se penchant à mon oreille en me prenant la main, « Apporte donc tes petits pots. Viens de bonne heure, alors. C'est entre nous. » Elle posa un doigt sur ses lèvres en signe de discrétion. « À demain. » Ma tante, comme vous pouvez le voir, n'a point encore dit adieu à la jeunesse et elle a bien fait. Elle a plus de 25 ans, si j'en crois une addition que je viens de faire à part moi, mais je calcule si mal qu'avec la meilleure volonté du monde, je n'oserais vous dire rien de certain sur son âge. Et d'ailleurs, à quoi bon? Un murmure d'admiration ne l'accueille-t-il pas toujours lorsqu'elle entre au bal avec son grand air de reine couronnée? Les passants affairés ne se détournent-ils pas tous lorsque dans son petit coupé noir elle lance par la portière une adresse au cocher? N'a-t-elle pas dans la voix les sons argentins de la jeunesse et dans les gestes la grâce délicate d'une femme de 20 ans? N'est-elle pas enfin, cette bonne et chère tante, dans tout l'éclat de la beauté épanouie, sûre d'elle-même et triomphante. 2. Le lendemain soir, la chambre de ma tante offrait le spectacle du désordre le plus échevelé. De tous les tiroirs entr'ouverts, béants, s'échappaient des dentelles chiffonnées, des mousselines, des broderies. Sur les meubles, des écrins entr'ouverts, au milieu de peignes et d'épingles à cheveux. Des bouts de rubans et des bouts de fil, des morceaux de satin et des débris de fleurs jonchaient le tapis auquel une légère couche de poudre à la maréchale donnait un aspect blanchâtre et poussiéreux. Plusieurs bougies et 3 lampes, sans abat-jour, répandaient une lumière éclatante sur ce désordre, au milieu duquel ma tante, parée, coiffée, poudrée et debout devant son armoire à glace, examinait, d'un œil exercé, sa splendide toilette de marquise Louis XVI. La femme de chambre et la couturière, toutes deux à genoux et les yeux battus, elles avaient passé la nuit, farfouillaient dans les nœuds de satin et plantaient fiévreusement des épingles. « Marie, un peu plus à gauche, le ruban que vous tenez. Madame Savin, votre corsage est d'un bon doigt trop large. Je suis dans un sac, Madame Savin. Peut-être le corset de madame est-il un peu plus serré qu'à l'ordinaire. Bien certainement qu'il est plus serré. Ne savez-vous pas que sous Louis XVI, les femmes portaient la taille extrêmement fine? Il faut respecter l'archéologie ou ne pas s'en mêler, Madame Savin. Le devant n'est pas mal. Il est bien dans le caractère. Ma tante se regarda dans la glace de profil. Je craignais que cette coupe en biais que madame m'a fait copier sur une robe du temps, que surtout ses lacets intérieurs disposés pour effacer les épaules, l'avantageassent un peu trop madame. Mais, madame Savin, vous devriez savoir que, sous Louis XVI, les femmes de qualité portaient la poitrine fort en avant. Non, non, il n'y a rien d'exagéré, il faut être dans le caractère. Et effleurant de ses doigts roses et potelés les saillies extrêmes d'une gaze savamment indiscrète, elle sourit et ajouta « Non, madame Savin, rien d'exagéré. Marie, donnez-moi la boîte à mouches. » La femme de chambre lui présenta l'objet. Ma tante mouilla son doigt de son aristocratique salive, le plongea dans la boîte d'un air nonchalant, puis le doigt en l'air et armé d'un point noir, elle regarda dans la glace d'un œil pénétrant, hésita un instant et tout à coup, d'un mouvement résolu et avec une merveilleuse adresse, paf ! Elle posa sa mouche juste au milieu de l'exagération. « Ça la sauve, murmurait-elle, ça détourne l'attention. » Et elle sourit de bon cœur. Le fait est que cette mouche, qui ressemblait à une bête à bon Dieu, prise entre deux roses, était posée avec un tact, un art, un sentiment extrême. Ni trop haut, ni trop bas. C'était bien là sa place, et dans la demi-teinte du sillon bleuâtre, elle semblait, la pauvre petite, se cacher pour ne pas rougir. C'était touchant. En sorte que les critiques les plus enclins à la médisance auraient dit comme ma tante en regardant l'ensemble de son corsage épanoui, « Non, certes, il n'y a pas d'exagération. » Et cependant, il y en avait un peu au fond. Peut-être cela tenait-il à ce que ma tante arrivait, sans qu'on s'en doutât, à cet âge adorable où la beauté, voulant être à l'aise, s'épanouit dans toute l'ampleur d'une riche maturité. Peut-être cela tenait-il encore à ce que, sous l'empire d'une préoccupation archéologique, et pour obéir à la mode de nos arrière-grand-mères qui rapprochaient leurs seins l'un de l'autre comme deux jumeaux qui s'aiment, ma tante n'avait pas songé qu'un changement de forme ferait croire à une augmentation de volume. Peut-être, enfin, la finesse inaccoutumée et excessive de sa taille serrée dans un corset de satin blanc, dont les craquements chatouillaient l'oreille à chaque mouvement qu'elle faisait, produisait-elle seule cette illusion charmante. Dans tous les cas, la mouche sauvait tout. « Comme tu arrives tard, me dit-elle. Il est 11 heures, sais-tu, et nous avons, ajouta-t-elle en montrant ses dents blanches, nous avons encore bien des choses à faire. Les chevaux sont attelés depuis 1 heure. Je parierais qu'ils vont s'enrhumer dans cette cour glaciale. » Et en disant cela, elle allongeait son pied chaussé d'une mule à talons rouges, toute miroitante de broderies d'or. Son pied grassouillet débordait un peu au sortir de sa chaussure, et à travers les jours de son bas de soie brillant, la peau rose de sa cheville apparaissait par intervalles. « Comment me trouves-tu, monsieur l'artiste ?»« Mais, comtesse, mes chères tantes, veux-je dire, je... » J'étais ébloui par ce soleil de juillet, le plus chaud de l'année, comme vous savez. Je vous trouve adorable. Et coiffée. N'est-ce pas, je suis bien coiffée. C'est encore Sylvanie qui a dressé tout cela. Il n'a pas son pareil, ce garçon-là. Les diamants dans la poudre font admirablement. Et puis cette coiffure élevée donne au cou du majestueux. Je ne sais pas si tu sais que j'ai toujours été assez coquette de mon cou. C'est mon seul petit luxe. As-tu tes petits pots ? Oui, ma tante, j'ai tout mon attirail, et si vous voulez vous asseoir... Je suis pâle à faire peur. Un tout petit peu, n'est-ce pas ? Ernest, tu sais ce que je t'ai dit. Et elle tourna la tête en me présentant l'œil droit. Je le vois encore, cet œil. Seulement, comme elle se penchait en arrière pour être plus directement sous l'éclat de la lumière, et que je m'approchais de son visage, le travail étant délicat, je voyais la gaze légère s'entr'ouvrir et la maudite mouche, ainsi qu'une barque lointaine portée par la vague, se soulever et s'abaisser ensuite au gré de la respiration. Je ne sais quel parfum, étranger aux tentes d'ordinaire, montait de... Tu comprends, cher ami, qu'il faut une occasion comme celle-ci et les nécessités d'un costume historique pour que je consente à me farder ainsi. Ma bonne petite tante, si vous bougez, ma main va trembler. Et dans le fait, effleurant ses longs cils, ma main tremblait. Ah oui, dans le coin, un peu. Tu as raison, ça donne du velouté, de l'incertain, du... C'est très drôle, ce petit pot de bleu. Mon Dieu, que ça doit être laid. Ce que c'est que l'enchaînement des choses. Une fois poudré, il faut bien se passer un peu de blanc de perle sur le visage pour ne pas être jaune comme un citron. Et une fois les joues enfarinées, on ne peut pas rester... Tu me chatouilles avec ton petit plumeau. On ne peut pas rester comme un pierrot. Il faut un doigt de rouge. C'est fatal. Et maintenant, vois un peu comme le diable est méchant. Si après tout cela, on ne s'élargit pas un peu les yeux, n'est-il pas vrai qu'on a l'air de les avoir percés avec une vrille? C'est comme cela qu'on arrive petit à petit à monter sur l'échafaud. Ma tante se mit à rire de bon cœur. La petite barque disparut comme abîmée entre deux vagues et reparut bientôt. Tiens, c'est très bien ce que tu viens de faire. Bien sous l'œil, c'est cela. Comme ça anime le regard. Sont-elles rouées, ces créatures, comme elles savent ce qui va bien. C'est honteux. Chez elles, c'est de la ruse, rien de plus. Oh, tu peux en mettre un peu plus de ton petit bleu. Je vois ce que c'est maintenant. Ça fait vraiment pas mal. Comme tu arques les sourcils, tu ne crains pas que cela soit un peu noir? C'est que tu sais, je ne voudrais pas avoir l'air... Ma foi, tu as raison. Où donc as-tu appris tout cela? Tu gagnerais de l'argent, sais-tu, si tu voulais exercer. Eh bien, ma tante, êtes-vous satisfaite? Ma tante éloigna son petit miroir à main, le rapprocha, l'éloigna encore, cligna des yeux, sourit, et se penchant de nouveau dans son fauteuil, il faut bien le dire, mon cher, c'est adorable, ton... Comment dis-tu qu'elles appellent cela tes... amis? Le maquillage, ma bonne tante. Il est fâcheux que cela ne s'appelle pas autrement lorsque les femmes du monde s'en servent, car en vérité, j'y aurai recours pour le soir, une fois de temps en temps. Il est certain que cela donne du piquant. Dis-moi, tu n'as pas aussi un petit pot pour les lèvres? J'ai votre affaire. Ah, c'est dans une fiole, c'est liquide. C'est une espèce de vinaigre, comme vous voyez. Ma tante ne bougeait pas. Avancez les lèvres comme si vous vouliez m'embrasser. Vous n'auriez pas par hasard l'envie de m'embrasser? Si fait, et tu l'as bien mérité. Tu m'apprendras ton petit talent, pas vrai? Très volontiers, ma tante. Ah, mais c'est miraculeux, ton vinaigre. Quel éclat il donne aux lèvres. Et comme les dents paraissent blanches, il est vrai que j'ai toujours eu les dents assez... Encore un de vos petits luxes. Voilà qui est fait, je te remercie. Elle me sourit en minaudant un peu à cause du vinaigre qui la piquait. De son doigt mouillé, elle prit une mouche qu'elle se plaça sous l'œil avec une coquetterie charmante. Puis une autre qu'elle mit vers le coin de la bouche et radieuse, adorable, « Cache vite tes petits pots !» me dit-elle. « J'entends ton oncle qui vient me chercher. Tiens, ferme-moi mes bracelets. Minuit et mes pauvres chevaux avec la grippe qui court. » 3. À ce moment, mon oncle entra en culotte et en domino. « Je ne suis pas indiscret, » dit-il gaiement, en m'apercevant. « Vous plaisantez, je suppose, » fit-elle en se retournant. « J'ai offert une place à Ernest, qui va ce soir à l'ambassade comme nous. » À l'aspect de ma tante, mon oncle ébloui, lui tendant sa main gantée, « Vous êtes ravissante ce soir, ma chère. » Puis, avec un fin sourire, « Votre teint a une animation et vos yeux un éclat. »« Oh, c'est le feu qu'on a laissé flamber. On étouffe ici. » « Mais vous-même, mon ami, vous êtes superbe. Jamais je ne vous ai vu la barbe si noire. C'est parce que je suis pâle, je suis transi. Jean a oublié mon feu qui s'est éteint. Venez-vous ? » Et ma tante sourit à son tour en prenant son éventail.